بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 60 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, et le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est yani, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qui a écrit ce charh qui est Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Et le Cheikh Al-Fawzan qui a fait les commentaires de ce charh. Donc nous, on est rendu aujourd'hui, comme je disais, au cours 60. Et on est en train d'expliquer le hadith. On est encore en train d'expliquer le hadith de Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il a été envoyé au Yémen par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens à l'islam. Et on est en train donc d'étudier un peu les règles qui peuvent être comprises de ce hadith-là, qui est un hadith très important en réalité pour avoir une bonne méthodologie dans la da'wah et lorsqu'on invite à Allah. On a déjà expliqué à propos du hadith plusieurs points jusqu'à date, et on va continuer maintenant par rapport à qu'est-ce qui reste à être dit par rapport à ça. Le Cheikh ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. وقوله فليكن أوله منصوب على أنه خبر يكون مقدم وشهادة يعني اسمها مؤخر ويجوز العكس وفيه دليل على أن التوحيد على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي لا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire jusqu'ici la partie où on était rendu au dernier cours. Je pense qu'on avait expliqué les points de 1 à 4. Naam. Donc, ici, le cheikh, il explique un point qui est intéressant aussi. C'est que on voit là dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner de la signification de la ilaha illallah. Et la raison de ça, on avait expliqué, wa alaykoum salam wa rahmatullah, on avait expliqué la raison de ça, c'est parce que les gens du livre, hein, les juifs et les chrétiens, ils disent la ilaha illallah, sauf qu'ils n'ont pas appliqué sa signification. Ils n'appliquent pas sa signification. Et on a mentionné au dernier cours des versets qui expliquent justement la signification de la ilaha illallah et la signification du tawhid. Maintenant, le cheikh, il explique ici que il y a dans ça une réfutation aussi hein, des gens de kalam, ahlul kalam, al-mutakallimun. C'est-à-dire les gens qui se basent sur la philosophie, sur la logique grecque pour essayer d'établir la croyance religieuse et la compréhension à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc eux, ils ont établi parmi leurs règles, c'est-à-dire les gens de philosophie, les gens de kalam, ils ont établi une règle. Et cette règle-là, c'est que la première chose qui est obligatoire pour l'individu à propos de la religion, ce n'est pas de dire « la ilaha illallah » ou de prononcer « la ilaha illallah ». Plutôt, c'est pour eux d'analyser ou d'utiliser la raison pour essayer d'établir la preuve de l'existence de Dieu avec la logique. Eux, ils disent « c'est ça la première obligation ». Lorsque quelqu'un yani, veut croire en la religion, la première chose qui est obligatoire pour lui, c'est d'établir par la logique l'existence de Dieu avec les preuves rationnelles. Hein? Et le cheikh explique que ça, c'est contraire à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose à laquelle tu les invites, soit de dire la ilaha illallah, hein, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Et le cheikh explique qu'en réalité, la question de la foi en l'existence d'Allah, c'est quelque chose qui est fitri. Fitri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est relié à la saine nature, la nature profonde de chaque homme, de chaque femme, et qu'on est créé comme ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé lorsqu'on est enfant avec cette foi en lui et cette connaissance de son existence et de son unicité. Donc, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de preuves ou de réflexions ou d'analyses ou d'argumentations rationnelles pour établir cette réalité-là, puisqu'elle est déjà inscrite en nous, dans notre nature profonde, dans notre âme. Hein? C'est quelque chose qu'on sait instinctivement presque. Et donc, ce n'est pas ça la première obligation, hein, pour l'être humain d'établir la preuve rationnelle de l'existence de Dieu. Et il dit plutôt la première chose que les messagers, lorsqu'ils arrivent à leur peuple, la première chose à laquelle ils les invitent, c'est justement de les inviter à l'unicité d'Allah dans son adoration et d'affirmer que seul lui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est à rejeter et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et c'est par cela que tous les messagers ont débuté leur da'wah. Le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Il dit يسأل البعض عن أول واجب هل هو النظر أو التوحيد أول واجب هو التوحيد أما النظر هذا موجود في الفطر لا يحتاج إلى نظر فأول ما يؤمر به الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا المطلوب وقول المتكلمين إن أول واجب هو النظر هذا ما جاءت به الرسل ها؟ هذا ما جاءت به الرسل ولا نزلت به الكتب. Donc, il dit le cheikh ici, certaines personnes posent la question à propos de la première obligation. Et souvent, tu vas trouver ça dans les livres des gens de Kalam, les Asha'ira, hein, les Mu'tazila et des gens de ces catégories-là. Eux, c'est ça qu'ils commencent hein, dans leurs livres, c'est par ça qu'ils commencent. Ils commencent par les questions qui ont rapport avec l'existence d'Allah et les preuves de son unicité par rapport à la rububiyya, hein, par rapport à la rububiyya. Et le cheikh, il dit. Des gens posent la question, qu'est-ce que la première obligation? Est-ce que c'est la réflexion rationnelle pour arriver à la preuve, hein, aux preuves de l'existence de Dieu, ou bien est-ce que c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration? Et le cheikh, il explique que la première obligation, c'est le tawhid, c'est-à-dire c'est d'affirmer que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Tandis que la preuve d'existence d'Allah, ça c'est présent dans la fitra de chacun, comme on l'a expliqué tout à l'heure. C'est présent dans la fitra, dans l'âme de chacun. Il sait en lui-même qu'Allah existe. Et il sait aussi en lui-même que il a un créateur et que ce créateur-là, il est unique. Il n'a pas besoin de beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche rationnelle pour ça. Et c'est pour ça que la première obligation qui est ordonnée aux êtres humains, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et c'est ça qui est exigé. Tandis que la parole des gens de Kalam qui disent que la première obligation, c'est la réflexion, puis la réflexion, l'analyse rationnelle et ainsi de suite, eh bien ça, tu regardes, les prophètes, ils n'ont pas enseigné ça. Hein, tu vois, par exemple, Jésus, Mohammed, Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, tous les prophètes, quand ils sont venus, ils n'ont pas dit à leur peuple, écoutez, il faut établir la preuve rationnelle que Dieu existe. C'est très rare que tu vois que les messagers, ils vont même argumenter ou discuter avec des peuples à propos de l'existence d'Allah. Pourquoi? Parce que la majorité des peuples, ils reconnaissaient déjà l'existence d'Allah. Et la plupart des peuples sur terre actuellement, hein, et même dans le passé, ils croyaient en Allah et en son existence. Mais le problème qu'ils ont, c'est pas le fait de nier son existence, mais plutôt dans l'adoration, leur problème. Leur problème est plutôt dans l'adoration, puisque ils adorent d'autres avec Allah et ils donnent à Allah des partenaires dans l'adoration. Et c'est pour ça que les messagers se sont concentrés sur ça en particulier, beaucoup plus que sur la question des peuples qui nient, par exemple, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de peuples qui nient complètement l'existence d'Allah. Il y en a, mais c'est une petite portion très minime dans l'humanité, hein? Et en même temps, yani, quand on voit, par exemple, dans le Coran, il y a des exemples qui sont mentionnés par rapport à ce sujet-là, pour réfuter ces gens-là, et des preuves rationnelles qui sont affirmées pour établir l'existence d'Allah et pour confirmer les preuves de ça. Mais ce n'est pas la base ou le plus important du message. Hein? C'est ça ce qu'on constate. Et ici, le cheikh, il mentionne par exemple les preuves à ce sujet-là dans le Coran pour dire que tous les messagers, quand ils débutaient leur da'wah à leur peuple et à leur nation, la première chose qu'il les appelait à faire, c'est d'établir l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et il cite comme exemple les versets 32 dans Sourate Al-Mu'minoun, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, yani, et adorez Allah, vous n'avez rien en dehors de lui qui mérite d'être adoré. Hein? Vous n'avez rien en dehors de lui qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire, vous n'adorez rien excepté lui. Malakum min ilahin ghayru. Vous n'avez rien à adorer excepté lui. Dans un autre verset, le verset 25, dans Sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique, il dit dans ce verset, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. C'est-à-dire, nous n'avons envoyé de messagers avant toi, hein? Nous n'avons envoyé de messagers avant toi, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Alors adorez-moi. Ça veut dire que les messagers, ils ont toujours débuté leur da'wah par le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre verset que le cheikh a cité ici aussi, et c'est un verset aussi intéressant, mais avant de le lire, je vais juste lire les commentaires de cheikh Al-Fawzan des deux derniers versets qu'on vient d'expliquer. Le premier, le cheikh Al-Fawzan, il dit « Kullu rusul awwal ma ya'muroun yaquluna li umamihim u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh wa lam yaqulu unzuru awwalan thumma ba'da dhalika a'budu » Hein? Il dit « Tous les messagers, lorsqu'ils sont venus, ils ordonnent à leur peuple, en disant à leur peuple, adorez Allah. Vous n'avez rien qui mérite d'être adoré, excepté lui. » Et le cheikh, il dit, ils n'ont pas dit à leur peuple, yani, réfléchissez en premier sur l'existence et essayez de comprendre rationnellement les preuves de l'existence de Dieu en premier. Puis, yani, après ça, vous pourrez vous concentrer sur l'adoration. Non, on n'a jamais vu ça chez les messagers, des messagers qui font ça. Hein? Et il dit par rapport à l'autre verset, هذا لجميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه يعني بماذا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فكل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله وإفراده بالألوهية ما جاءوا يطالبون الناس بالنظر والاستدلال أولا لأن هذا الشيء موجود في الفطرة وهم مقرون به ومعترفون به La yunkiruhu hatta yatlubunahu minhum. Donc ici le cheikh il dit que donc tous les messagers quand ils viennent à leur peuple, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit que yani, ils disent à leur peuple, yani, rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Hein, c'est-à-dire ils disent, ils leur transmettent la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Donc c'est ça la première chose à laquelle ils appellent leur peuple. Tous les messagers sont venus avec ça. L'ordre d'adorer Allah seul et de rendre l'adoration exclusive pour lui. Donc le tawhid dans l'adoration. et ils n'ont pas dit aux gens, analyser, étudier la question avec des preuves logiques et rationnelles pour établir la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pourquoi ils n'ont pas fait ça, hein, c'est parce que c'est dans la fitra de l'être humain. Chaque être humain en lui-même, au fond de son cœur, au fond de son âme, il reconnaît l'existence d'Allah. Il n'y a personne parmi les êtres humains qui peut nier, hein, dans son cœur qu'il y a un créateur et qu'il y a un maître qui l'a créé, un maître dans cet univers-là. Même des athées, des fois tu rencontres des athées qui discutent avec toi, tu vas dire, ils vont dire, « Ok, oui, je crois qu'il y a une force dans l'univers, je sais qu'il y a, il y a quelque chose, mais... Il ne veut pas l'appeler Dieu par orgueil ou des fois par arrogance. Il refuse de dire Dieu. Parce que pour lui, Dieu, c'est relié à toutes sortes de choses qui le dérangent. Par exemple, c'est relié à la religion. Et beaucoup d'athées, ils n'aiment pas la religion. Pourquoi ils n'aiment pas la religion? Parce que la religion leur interdit ce qu'eux, ils aiment. Par exemple, ils aiment l'alcool, ils aiment le zina, ils aiment la fornication, ils aiment toutes sortes de péchés. Et donc, quand ils voient que la religion leur interdit ça, alors ils rejettent la religion. Ils rejettent Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils refusent de croire en lui. Et après, ils disent, « Oh, moi, je suis athée. Hein? » Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas que Allah existe. Ils savent que Allah existe. La preuve, ils disent eux-mêmes, « Oui, je sais qu'il y a une force dans le monde. Je sais qu'il y a quelque chose. » Ils ne veulent pas le définir. Ils ne veulent pas le qualifier ou utiliser un nom pour le décrire. Mais ils savent qu'il y a un être suprême. D'accord? Cette reconnaissance-là de leur part, c'est en réalité une affirmation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il y en a d'autres parmi les koufars, même des scientifiques qui sont athées, par exemple. Ils disent, « Non, je ne crois pas en Dieu. » Mais quand ils parlent, à chaque fois qu'ils disent quelque chose, « Oh, la nature fait bien les choses. La nature fait bien les choses. Hein? » C'est la nature qui a fait comme, les choses comme ça. Hein? Tu vas aller je me rappelle, dans des cours de biologie, et les profs... Hein? Non, au cégep. Et les professeurs de... Mais au secondaire, la même chose. Yani, subhanallah, quand tu leur poses des questions, « Monsieur, pourquoi les cellules fonctionnent comme ça ?» Ou pourquoi les choses qui se font de cette façon, qui a fait ça? Qui a créé ça comme ça? Qui a fait ça? Ah, ça c'est la nature. Hein? C'est la nature qui fait ça. Hein? Ils parlent des animaux parfois, des choses qu'ils font, des choses qu'ils... Hein? Ils disent, ah, mais ça c'est la nature. Subhanallah. C'est quoi cette nature? Hein? Est-ce qu'elle a une volonté, cette nature? Est-ce qu'elle a une science, cette nature? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle entend? Hein? Est-ce qu'elle parle? Hein? Est-ce qu'elle crée? Est-ce qu'elle a une volonté quelconque? C'est quoi cette nature? Donc, si tu vas lui attribuer des attributs des attributs d'Allah, ça veut dire qu'en réalité, tu crois en l'existence d'Allah. Mais si tu leur dis, est-ce qu'elle a une volonté, cette nature? Est-ce qu'elle a une connaissance? Hein? Ils disent non, elle n'a pas de volonté, elle n'a pas de science. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette création-là qui est faite, hein, que Allah a créée et qui est parfaitement organisée, parfaitement établie, parfaitement créée, tout ça, hein, tu vas me dire, ça se fait aveuglément, par hasard, de façon totalement arbitraire, sans qu'il y ait rien qui soit derrière, qu'il l'ait contrôlé, qu'il l'ait organisé, qu'il l'ait. Hein, qu'il l'ait créé, eh bien ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Hein? Et lorsqu'ils réalisent ça justement, eh bien c'est là qu'ils sont obligés d'admettre. Ils sont obligés d'admettre, oui c'est vrai. Hein? Une fois je parlais avec un gars, justement quand j'étais au cégep, il y avait un de mes collègues de classe, et lui il disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Et quand je lui ai dit, mais dans ce cas-là, c'est qui a créé le monde? Il m'a dit, mais c'est le Big Bang, hein? C'est le Big Bang. J'ai dit, dis-moi, depuis quand? Quand on fait sauter quelque chose ou quand on fait exploser quelque chose, au lieu de créer du désordre, ça fait de l'ordre. Hein? J'ai dit, depuis quand on fait exploser quelque chose, ça crée de l'ordre au lieu du désordre. C'est-à-dire que quand tu vas faire exploser quelque chose, au lieu que tout se détruit, toutes les choses se mettent en place. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu vois une explosion là, quelqu'un il prend une bombe ou une dynamite, ok, il met ça quelque part, puis le fait exploser. Au lieu que ça se détruit tout, ça organise tout, ça répare tout. Est-ce que ça c'est possible? Le Big Bang, c'est comme une explosion pour l'humanité. Est-ce que tu comprends l'exemple que je t'ai donné? Est-ce que ça c'est possible que quand on fait exploser quelque chose, au lieu de se détruire, ça se construit les choses? Non. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ah ben c'est ça. Donc comment, par exemple, si quelqu'un qui dit « je crois au Big Bang hein? », le Big Bang il a explosé, puis il y a eu le résultat de cette explosion, il y a eu notre monde, avec des êtres vivants, et un système, et des étoiles, et des galaxies, et une planète, avec de l'eau, avec des animaux, avec des plantes, avec de l'air pour respirer, avec de la lumière. Tout ça à partir d'une explosion. Est-ce que ça fait du sens? Non. Donc il m'a dit, arrête, hein, tu vas commencer à me faire croire en Dieu. C'est comme ça qu'il m'a dit. En plus, il a dit le nom. Ouais, parce qu'il n'a pas le choix de le dire, parce qu'il le sait que c'est vrai. Même il y a des athées qui... J'avais un prof de biologie qui était athée lui aussi. Et subhanallah, il m'a dit une fois, je suis allé visiter les montagnes dans l'est du Canada, dans l'ouest du Canada, pardon. Et il dit, je suis arrivé là-bas et c'était un endroit tellement beau, j'étais tellement émerveillé par qu'est-ce que j'ai vu. Et il dit, j'ai crié, merci! Il a crié comme ça très fort dans les montagnes. Il a dit, merci. Il a dit, je ne sais pas à qui j'ai dit merci, mais j'ai dit merci. Hein? Parce que pourquoi? Il sait que c'est Allah qui a créé ça. Alors il dit merci à Allah en réalité, mais il ne veut pas admettre. Ou bien des gens, par exemple, quand ils sont dans des situations de détresse, où ils savent que là, ils risquent de mourir. C'est fini pour eux, leur vie. Là. Hein? Ils savent qu'ils sont dans la mer ou ils sont quelque part et il y a quelque chose qui va arriver. À ce moment-là, tu les vois, ils lèvent les mains vers le ciel, ils commencent à demander à Dieu de les sauver. Alors que c'est des athées qui ne croient pas en Dieu, hein? Ils ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, ils implorent Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur âme, ils savent qu'Allah existe, mais parce qu'ils sont trop arrogants et fiers pour se prosterner, puis pour prier, puis pour demander, alors ils refusent de le faire. Hein? Donc c'est ça la réalité. Tous les êtres humains, ils savent ça au fond d'eux-mêmes. Donc c'est ça la fitra. Hein, et les preuves de la fitra. La fitra, c'est la profonde nature saine de l'être humain qui est établie justement sur cette croyance profonde en Allah subhanahu wa ta'ala et en son unicité. Maintenant, le cheikh, il cite un autre verset qui est le verset 10 dans surat Ibrahim. Et dans cette surat, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » Et il donne le tafsir de ce verset-là par l'imam Ibn Kathir. Et il dit « هذا يحتمل شيئين أحدهما hein, قال العماد Ibn Kathir رحمه الله هذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى انتهى كلامه قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. Donc ici le cheikh il explique le verset. Premièrement, le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit leur messager leur dit, ça ils ont dit à leur peuple, Afillahi shakkun, est-ce qu'il y a un doute à propos d'Allah? Hein? Est-ce qu'il y a un doute à propos d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Et à propos de ce verset, Cheikh Al-Fawzan, il dit « Allahu jalla wa ala laysa fihi shakkun fi rububiyatihi wa la fi uluhiyatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi hatta yahtaj ila nazarin wa istidlal. » Déjà, il dit le Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute ni à propos de sa seigneurie, ni à propos de son droit exclusif à l'adoration et à sa divinité, et ni à propos de ses noms et de ses attributs. Il n'y a aucun doute sur aucun de ces points-là. Jusqu'à ce que, pour que quelqu'un ait besoin d'utiliser des arguments rationnels ou des preuves logiques pour établir son existence. Ça, c'est quelque chose qui est inutile en réalité parce que c'est des choses qui sont, comme on a dit, déjà établies dans la fitra de chacun d'entre nous. Ensuite, le cheikh, il mentionne, donc on va traduire la parole de Ibn Kathir dans son tafsir à propos de ce verset, dans Surat Ibrahim, le verset 10. Il dit, ce verset implique deux choses. Hein? Ce verset peut signifier deux choses. La première, la question, afillahi shakkun, c'est-à-dire afi wujudihi shak, c'est-à-dire y a-t-il un doute à propos de son existence? Ça, c'est la première explication possible ou interprétation possible. Y a-t-il un doute à propos de son existence? Il dit parce que les natures saines, hein, les natures de l'être humain, la nature profonde de l'être humain, elle est témoin de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est créée, hein, de cette façon à ce qu'elle reconnaisse cette existence-là. Il dit c'est une nécessité même de la nature saine de l'être humain de reconnaître son existence. Donc ça, c'est la première interprétation. Hein? Et ce sens-là, ça implique qu'il n'y a pas de doute à propos de l'existence d'Allah, puisque c'est écrit dans la fitra de chacun d'entre nous. Même le plus arrogant de tous les athées, hein, au fond de son âme, il reconnaît qu'Allah existe. Mais avec sa bouche, il le nie, parce qu'il est arrogant et orgueilleux. Deuxièmement, hein, la deuxième signification, deuxième interprétation, afi uluhiyatihi wa tafarrudihi bi wujubi al-ibadati lahu shak. Donc la deuxième interprétation ce serait est-ce qu'il y a à propos de l'obligation de l'adorer de façon exclusive un doute? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un doute que c'est lui seul qui mérite d'être adoré de façon exclusive et que c'est obligatoire de l'adorer? Il dit parce que toutes les créatures, c'est lui qui les a créées. Et par conséquent, personne ne mérite d'être adoré excepté lui seul, hein, et sans associé, sans partenaire. Et il dit parce que la majorité de tous les peuples ont toujours affirmé et déclaré l'existence d'un créateur. Mais par contre, ils adorent d'autres que lui en prenant entre lui et eux des intermédiaires. Et ils pensent que ces intermédiaires-là peuvent leur profiter et les rapprocher plus d'Allah. D'accord? Donc c'est ça, en fait, les deux explications. Soit que c'est, est-ce que les gens ont un doute à propos de sa rububiyya, ou bien un doute à propos de al-uluhiyya. Et il dit, ça implique donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et je dis ceci, « Hada l'ihtimal thani », La deuxième possibilité de l'interprétation à propos de al-uluhiyya, elle implique également la première. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre ces deux-là. Puisque les prophètes, quand ils appellent les hommes au tawhid et les femmes au tawhid et l'humanité au tawhid, ils utilisent souvent l'argument de la rububiyya pour prouver al-uluhiyya. C'est-à-dire qu'ils utilisent les preuves de l'unicité d'Allah dans la création pour affirmer son droit exclusif à l'adoration et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَهُمَا تَفْسِيرًا مُتَقَارِبًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ » Il dit « C'est deux tafsirs qui sont proches et en réalité, il n'y a pas de divergence entre les deux. » Il dit سواء فسرنا في الله شك أي في وجوده أم في الله شك أي في عبادته واستحقاقه للعبادة al-ma'nayan mutaqariban. Il dit peu importe comment tu l'interprètes, de l'un, dans l'un des deux sens, les deux sont proches. Hein, ils ont la même presque une signification très proche les deux. Et dans les deux, il y a une qui implique l'autre également. Puisqu'il n'y a pas de doute dans le fait que Allah, c'est lui, Ar-Rabb, hein, le seul maître et le seul créateur. Et ça implique que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc, il y a une relation entre les deux. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa rawa Abu Ja'far ibn Jarir bisanadihi an Ikrima wa Mujahid wa Amir annahum qalu laysa ahadun illa wa huwa ya'lam anna Allaha khalaqahu wa khalaqa as-samawati wal ard hadha fa hadha imanuhum wa an Ikrima aydan tas'aluhum man khalaqa as-samawati wal ard فيقولون الله فلذلك إيمانهم فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره سبحان الله. Donc il dit le cheikh qu'il a été mentionné de la part de certains parmi justement les ulama, parmi les ulama de tafsir, et il cite par exemple ce que l'imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, hein, un des savants de tafsir, il a rapporté avec la chaîne de transmission, selon plusieurs parmi les savants de tafsir, parmi les salafs, et parmi eux Ikrima, Mujahid et Amir, qui ont tous dit, il n'y a personne excepté qu'il sait que Allah est son créateur et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ça leur croyance, c'est ça leur foi. C'est-à-dire, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas une créature, excepté qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé, et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tous les êtres humains, sans exception. Na'am. Ibn Jarir, si je ne me trompe pas, il est... Je peux pas te dire l'année dans laquelle il est né, mais je sais qu'il est mort en 300 et quelques. Ouais. Donc, c'est parmi les savants qui ont vécu, parmi les premières générations. Là. Il fait partie des grands ulama, des mujtahidin, des imams dans la religion. Ensuite, il dit, le cheikh, qu'il a été également rapporté selon Ikrima, un des tabi'in, qui disait, tu leur demandes, c'est-à-dire tu demandes aux gens, aux êtres humains, même aux mouchriquins, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Il dit, et ça c'est leur foi, malgré qu'ils adorent autre que lui. Malgré qu'ils adorent autre que lui. Hein? Subhanallah. Donc c'est ça la réalité des gens. Même s'ils croient en Allah, et que Allah c'est le créateur, puis après ils se tournent vers des idoles, vers des statues, vers des prophètes, vers des saints, vers des anges, hein, ils adorent ces êtres-là comme des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans le shirk, hein, malheureusement. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que tu peux établir les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des athées. Hein. Tu peux leur donner des preuves et des arguments pour établir la rububiyya. D'accord? Mais en grande partie, souvent, les athées, quand ils renient l'existence d'Allah, c'est pas parce qu'ils le renient avec argument rationnel, dans le sens que ils ont, par exemple, besoin de preuves pour qu'on les convainque. Souvent, leur problème qu'ils ont avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un problème qu'ils ont avec autre chose. Et parce que souvent, c'est des gens qui ont trop d'orgueil pour accepter de reconnaître la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai connu beaucoup d'athées, par exemple, qui, eux, ne croyaient pas en Dieu parce que, par exemple, ils ont grandi dans des familles chrétiennes, ok? Ils ont grandi dans des familles chrétiennes, catholiques ou autres, puis ils ont été dégoûtés par qu'est-ce que l'Église a fait dans l'histoire et qu'est-ce que les papes ont fait, hein? Et les inquisitions et les croisades, et toutes sortes d'autres choses que l'Église a fait. Hein. au nom du christianisme. À cause de ça, ils ont renié la foi en Dieu. Et c'est comme ça, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, ils s'imaginent qu'en dehors du christianisme, c'est seulement l'athéisme. C'est-à-dire, ils pensent que tu n'as pas le choix. Soit tu es chrétien ou soit tu es athée. En ce qui concerne les autres religions, eh bien, on leur a déjà fait croire avant que tout ce qui est en dehors du christianisme, ce n'est pas bon. C'est faux. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là parmi eux. Et donc, ils deviennent athées. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si tu n'es pas chrétien, tu dois devenir athée. Ils ne savent pas qu'il y a l'islam. Hein? Et ils ne connaissent pas non plus les enseignements de l'islam authentiques. On leur a donné ou on leur a fait comprendre à propos de l'islam des choses qui sont contraires à la réalité, mais juste pour leur montrer des choses pour les éloigner de l'islam. Parce que les chrétiens, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas affronter l'islam et les musulmans sur le niveau sur le tawhid et sur la croyance, sur l'unicité d'Allah. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent sur des arguments pour essayer de salir l'islam. Ils vont dire, ah, regardez un musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Ou regardez un tel, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est des exemples qui se basent sur des comportements qui sont mauvais de la part de certains musulmans qui ont fait des péchés. Puis, ils utilisent ça comme preuve ou argument pour décourager les gens d'être musulmans. Mais ils ne se basent pas sur la... Ils n'attaquent pas ni les principes de l'islam eux-mêmes parce qu'ils savent que l'islam, c'est la vérité. La foi en Allah et l'unicité d'Allah, personne ne peut remettre ça en question. Hein? Tous les prophètes ont enseigné qu'Allah est unique. Il n'y a personne qui peut nier ça, hein, s'il est chrétien. C'est quoi l'histoire qu'Ibrahim voulait égorger son fils? Il a dit, moi, mes enfants, je les aime pour la vie. Je ne vais jamais partir et mettre un couteau sur le cou de mon enfant et le pied. Mais lui, il n'est pas un prophète. Hein? Lui, il n'est pas un prophète, c'est normal. Si quelqu'un aujourd'hui il dit, moi, je vais tuer mon fils, tu vas dire, mais toi, tu es malade, tu es fou, ça, c'est interdit par la religion. Quelqu'un n'a pas le droit de tuer son fils. Tuer, c'est haram. Allah, il a interdit de tuer. Hein? Mais Ibrahim, alayhi salam, c'est un messager. Allah lui parle directement. C'est pas pareil comme toi et moi. D'accord? Donc, et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas laissé égorger son fils, malgré qu'il voulait le faire pour Allah. Mais il ne l'a pas laissé faire. Hein? Il l'a remplacé par un mouton, hein? comme un symbole de son obéissance et de sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il est miséricordieux. Hein? Mais c'est une question de foi et de sincérité. Si quelqu'un ne croit pas en Allah, peu importe qu'est-ce que tu lui ramènes comme preuve, s'il ne veut pas croire, il ne va pas accepter. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à la parole des salafs à propos de qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, comme la parole de Ikrima, hein, des gens que si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah, mais ils adorent d'autres que lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « La ahadun yadda'i anna samawat » أن السماوات والأرض مخلوقة لغير الله ولا أحد يدعي أن شجرة أو حيوانا أو صخرة خلقها غير الله أن حيوانا أو صخرة خلقها غير الله حتى الملاحدة لا يدعون أن هذا الكون خلقه الدولة الفلانية أو الرئيس الفلاني أو المهندس الفلاني فكلهم يعترفون بفطرهم وألسنتهم أنه لا خالق إلا الله. Donc le cheikh il dit, il n'y a personne qui prétend que les cieux et la terre ont été créés par autre que Allah. Il dit, il n'y a personne qui prétend qu'il y a un arbre ou un animal ou un rocher que c'est autre que Allah qui l'a créé. Il dit, même les athées, hein, ils ne prétendent pas que cet univers était créé par tel pays ou tel dirigeant ou tel ingénieur. Hein. Ils reconnaissent tous, dans leur fitra et par leur langue, qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Ils n'ont pas le choix. Et il dit ensuite, par rapport au verset, par rapport à la parole de Ikrimah, يعني عن تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فهذا إيمانهم وهم يعبدون غيره. Tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah, et يعني c'est leur foi, mais ils adorent autre que lui. Et Cheikh Al-Fawzan il dit قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وهذا معناه هذا معناه أنهم يقرون بربوبيته ويجحدون ألوهيته يقرون بأنه هو الرب ومع هذا يعبدون غيره. Ça s'applique à tous les gens qui font le shirk, pas seulement aux mushrikin d'avant, même les mushrikin d'aujourd'hui qui peuvent parfois même se prétendre appartenir à l'islam, mais qui adorent des saints ou des tombes et qui prient à des morts et qui se disent musulmans et qui font le shirk. Donc, quand tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Sauf que quand ils prient à des morts, ils prient à des tombes, ils prient à des saints. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Yunus, le verset 106. Il dit ce qui signifie « Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun. » C'est-à-dire, ils croient en Allah, la plupart d'entre eux, lorsqu'ils croient en Allah, ils sont des mushrikoun en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Allah est le créateur des cieux et de la terre, et c'est Allah qui a tout créé, mais ils adorent d'autres que lui. » Et c'est ça que le cheikh, il explique, il dit « Ils affirment la rububiyya, mais ils rejettent al-uluhiyya, c'est-à-dire le droit exclusif d'Allah à l'adoration. » Et ils affirment que Allah c'est lui le Seigneur, le Créateur, mais ils adorent d'autres que lui. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux qui ne croient en Allah qu'en étant des associateurs, des mushrikoun. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine la suite, parce que hier on a changé l'heure de Isha. Au lieu de 8h45, on fait à 8h30 maintenant. Donc, on a pris une pause pour ce livre-là. On va le reprendre, Inch'Allah, plus tard. Naam. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.